Papa, j'ai une histoire. Un jour, un monsieur se noya tête dans l'eau. Il y a un bateau qui passe qui lui dit « Vous voulez qu'on vous sauve ?»« Non merci, c'est Dieu qui me sauvera !» Un autre bateau lui dit « On vous sauve ?»« Non merci, Dieu me sauvera !» Il se noya là et alla au paradis. Et là, il dit « Dieu, pourquoi tu m'as pas sauvé ?» Et Dieu lui dit « Je t'ai envoyé deux gros bateaux, imbécile !» Je reviens de loin tellement, j'ai vu du sale salement. Mes frères sont gentils, est-ce que je pourrais le dire salement? J'ai vu mes rêves brisés, puis la toile tissée. Mon cœur ne peut plus, aujourd'hui je suis sous calmant. Prends une phrase ou deux, c'est pas un texte magique. J'espère que tu me comprends, génération dance machine. Jugé par les juges, par les gens. Je suis plus un voyou moi, je fais du JJB, je te tire par les jambes. Pardonne-moi le mal que j'ai pu te faire. Fallait pas m'en faire, l'enfer est sous terre. Mon cœur a voulu lâcher, mais la haine de Anakin a fait la guerre à l'adultère. Regarde les choses en face, la rue c'est rien. Un jour fera face, le diable c'est chien. Y'a Azrahim, qu'on lève les âmes. Ne te mêle pas du bleu des anges si tu crées. Ni foi ni loi, ni foi ni loi, ni toi ni moi, ni toi ni moi. Justice divine partout, oui pardonnez-moi, pardonnez-moi. Ni foi ni loi, ni foi ni loi, ni toi ni moi, ni toi ni moi. Justice divine. Après l'amour, y'a la haine, alors nique sa mère. J'suis mal poli, et alors j'demande aucun salaire. J'ai grandi dans le 19 avec des gars méchants. Place des fêtes, la légende, le titre est alléchant. Rue des Bois, rue de Belleville, c'est mon enfance, ma vie. Dédicace à Lazare, à mon frérot, à Bub. Si j'parlais de mon fils, dans un frère personnel, j'aurais du mal au studio, mon petit ange personnel. J'étais tout seul dans le mal, ni famille, ni femme. Pourtant j'en ai des cousins, mais dans mon cœur, sans d'elle. J'en ai dans le sacal, à présent tout s'en bat. La vie est belle, non j'rigole, j'pense toujours à. Mon père, ma chérie, où es-tu? T'as remplacé l'amour avec une bite dans le cul. Aïe aïe, je suis hardcore dans mes gènes. On n'envole pas un lion avec une simple ni éolienne. Ni foi ni loi, ni foi ni loi, ni toi ni moi, ni toi ni moi. Justice divine partout, oui pardonnez-moi, pardonnez-moi. Ni foi ni loi, ni foi ni loi, ni toi ni moi, ni toi ni moi. Justice divine partout, oui pardonnez-moi. Putain, regarde les choses en face, la rue c'est rien. Un jour fera face, le diable c'est chiant. Y'a Azrahim, qu'on lève les âmes. Ne te mêle pas du bleu des anges. J'ai gardé ma veste, prié pour le reste. J'ai le cœur qui cette génération best of the best. J'suis resté le même, des joies et des peines. J'ai les yeux qui cèdent tellement j'ai vu. Tellement j'ai vu.